conférence du séminaire théologie et sciences sociales, qui en est à sa seconde année, et on aura l'an prochain deux séances pour clore le cycle, qui est donc un séminaire qui a été proposé dans le cadre du programme de recherche interdisciplinaire religie et sciences sociales. Et pourquoi ce thème de théologie et sciences sociales? Tout simplement, et Dieu sait si la démarche n'est pas simple, mais tout simplement quand même pour essayer de pouvoir identifier, surtout au pays de la séparation, de pouvoir identifier cet objet de la théologie dans la perspective de notre pratique de sciences sociales. Un objet compliqué à identifier, qui, dans le cadre global des sciences sociales et des religions, lui-même, nous met face au problème de nos exportations européennes, et surtout chrétiennes. Et nous sommes attachés depuis donc une grosse année et demie maintenant à essayer de définir cet objet. Et côté occidental, bien sûr, nous sommes confrontés à une notion qui parle immédiatement médiéviste. Et au fond, aujourd'hui, nous sommes vraiment au cœur d'un problème qu'on avait envie de reprendre et que nous définissons sur deux séances par une rubrique, disons, théologie en tension. Alors pourquoi théologie en tension? La fois prochaine, nous ferons un petit peu de génétique et nous essaierons de comprendre un petit peu quelle peut être la place de la réflexion sur le champ du théologique dans le cadre de la genèse des sciences sociales et comment une configuration qui est celle du modernisme nous pose cette question du point de vue de la définition des champs académiques. Et puis, en tension, puisque nous aborderons avec Catherine Clémentin l'œuvre d'un indianiste qui est jésuite, donc, qui vit lui-même dans son œuvre cette tension, mais tension aujourd'hui parce que nous avions envie de revenir à la base, et la base, c'est le fait que la notion de théologie dans le monde occidental, même si le mot est antérieur, avec une toute autre signification, se définit au XIIe siècle, et une fois qu'il est défini dans la presse scolastique, il se retrouve dans une conception des savoirs architectoniques en tension avec cette grande science des maîtres qui est le droit. Et précisément, c'est cette question que nous voulions aborder, confier à des collègues, puisque c'est la règle du jeu ici, hein, contribution à l'école de toutes les bonnes volontés qui croient à ce type d'entreprise, et de nouveau Paolo, qui était venu l'an dernier sur la base d'un beau dossier déjà, avec l'extension Emmanuel cette année, ont accepté de répondre. Et je dois dire, avec une excellente idée qui était de partir d'un dossier. D'un beau dossier qu'on a eu à l'avance, hein, des préliminaires qui vous ont été envoyés, un dossier qu'on a eu en avance, donc on a pu le lire, j'espère qu'il a été lu, et nous avons même le grand privilège d'avoir l'auteur avec nous, non seulement l'auteur du livre, hein, Béatrice Piachoutin, mais également d'un livre là dont on va avoir au fond les bonnes feuilles aujourd'hui. Donc bienvenue Béatrice, merci. Et je laisse sans plus de transition la parole à Paolo, à Emanuele et à Béatrice ensuite. Alors ce sera plutôt une présentation de l'ouvrage de Béatrice Piachoutin. Je dois dire, ça a été mon idée parce que le rappel de Dominique de cette idée d'avoir une séance ensemble est venue au moment où je m'avais confié son manuscrit à lire, et donc j'étais en train de lire ce texte qui est le développement de l'article que vous avez eu et qui comprend, c'est un texte assez complexe et qui me paraît vraiment remplir parfaitement le contenu du problème que nous allons aborder aujourd'hui. Et qui est un problème, comme Béatrice est une historienne du droit, un problème précisément d'histoire des idées. Alors là, au début, je voudrais débuter sur le problème de ce que c'est l'histoire des idées. Donc, si ça existe ou si ça n'existe pas. Traditionnellement, on considère l'histoire des idées politiques, par exemple, comme le développement des idées à travers l'histoire, à travers le temps. Ce qui avait été critiqué assez décisément en Italie, déjà par Benedetto Croce, dans la première moitié du XXe siècle, en disant que l'histoire des choses qui n'ont pas de vie de vie biologique n'existe pas. Il n'existe que l'histoire des êtres humains et des sociétés humaines. Et donc, les idées existent seulement au moment où les sociétés humaines les prennent en compte et les développent. Donc, en lisant cet ouvrage, il m'est venu à l'esprit que, exactement, si on veut faire de l'histoire des idées, il faut plonger dans l'histoire l'utilisation des idées qui peuvent avoir une origine même lointaine, même très, très ancienne, mais qui sont toujours réinventées, réadaptées au contexte social dans lequel on les utilise. Et pour faire ça, il faut faire l'histoire des médias qui font l'objet de la transmission de ces complexes d'idées qui se présentent face à une société. Et là, ce livre, c'est exactement l'analyse d'un ouvrage, donc manuscrit et après imprimé, donc qui a une histoire concrète de diffusion, d'une forme qui change par rapport au milieu d'utilisation du même texte, qui est adapté aux différents milieux où il est utilisé, et qui continue même après la saison de l'âge de sa construction, parce qu'il rentre à faire partie du corpus des ouvrages de Bartolo de Sassoferrato, qui est peut-être le plus important et le plus fameux des juristes du droit civil du Moyen-Âge, et qui continue d'être imprimé pendant des siècles jusqu'au XVIIe siècle. Donc, ce texte, qui est un texte qui probablement, on ne sait pas si c'est vraiment l'ouvrage de Bartolo, l'autrice est plutôt, elle ne le dit pas explicitement, mais c'est plutôt pour le nom, que c'est un ouvrage qui a été attaché aux œuvres de Bartolo pour des raisons de circulation, d'avantages de circulation donc économique, donc de vente de copies de l'ouvrage. Cet ouvrage est formé vers la fin du XIIIe siècle et commence déjà à circuler en version manuscrite dans des versions différentes. Après, il est utilisé donc dans des milieux différents qui sont tout à fait des milieux théologiques, donc religieux, et des milieux juridiques. Et on le voit parce que cet ouvrage est copié dans des manuscrits mixtes qui ont à la fois des textes théologiques et à la fois des textes juridiques. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là sur le thème de... Disons que, juste pour préciser ce que tu viens de décrire comme histoire des idées, c'est exactement ce qui n'est pas une histoire des idées, c'est-à-dire si c'est une histoire des concepts, alors là on voit bien comment effectivement certains concepts juridiques peuvent recouper certains concepts théologiques tout en s'inscrivant dans un arc temporel de très très très longue durée, c'est-à-dire qu'ils ont leur temporalité à eux et ils ne peuvent se comprendre qu'à partir du contexte dans lequel ils sont interprétés. Donc il n'y a pas une compréhension a priori qui reste immuable tout le temps et qui reste pratiquement un dogme. Dogme, ça vaut à la fois pour les juristes comme pour les théologiens. Donc la dogmatique, c'est quelque chose qui concerne les deux disciplines. Mais à condition qu'on comprenne cette dogmatique, au moins en ce qui concerne le droit, comme quelque chose qui, comme un contenu de sens, qui ne peut être compris qu'à partir du contexte dans lequel il est objectivé, il est reçu. Donc, il y a cette spécificité donc, de ce qu'on dit des idées juridiques, mais en fait, ce sont des concepts juridiques qui restent tels, qui se promènent dans l'histoire, mais leur signification ne peut être donnée qu'à partir du contexte dans lequel ils sont adaptés. Voilà. Donc il y a cette spécificité aussi des dogmes juridiques. Hein. Il ne s'agit pas de faire une histoire dogmatique dont la validité est atemporelle, universelle, mais c'est toujours le contexte qui est capable de rendre la signification ultime de ce contenu de sens qui, a priori, n'a pas une valeur en soi. Donc c'est toujours... l'effet de s'objectiver dans des objets de transmission et de circuler dans certaines sociétés, dans certains contextes, c'est à partir de là qu'il faut comprendre. On ne peut pas les comprendre a priori. C'est simple les paris qu'on fait. Quand on fait une histoire du dogme juridique, une histoire du dogme théologique, c'est à partir de cette précompréhension-là, parce que sinon on tombe dans l'historicisme ou dans l'histoire des idées détachées. Ce qui est, si vous voulez, ça, c'est un peu le rencontre des deux façons de faire l'histoire des idées juridiques qui avaient été divisées au début du 19e siècle avec la distinction entre histoire interne et histoire externe du droit. L'histoire externe étant l'histoire des livres et des professeurs qui passaient les idées juridiques à travers le temps. Et l'histoire interne étant l'histoire des dogmes juridiques qui pouvaient être suivis à part, séparés par les moyens qui les avaient répandus dans le temps et dans l'espace. Non ? Alors là, par contre, on essaie de unifier les deux façons de faire l'histoire des dogmes juridiques, mais je crois que ça s'applique aussi à la théologie, c'est cette façon de considérer la distinction entre les écoles et les livres et les contenus des théories. Non, il faut vraiment réunir les deux façons de regarder, et je crois que ce travail de Béatrice Pachuta est un bon exemple de comment ça peut marcher. Donc j'essaye maintenant rapidement de résumer les questions d'histoire externe, c'est-à-dire les formes du texte, et après de résumer très rapidement le contenu du texte. Alors les formes. J'ai dit, le texte commence à s'établir vers la fin du XIIIe siècle comme un procès fictif entre le procureur du diable et le genre humain. Le genre humain étant à la fois l'objet de la requête du procureur du diable et le défendeur, parce que on se dispute sur le statut du genre humain, le statut d'asservissement au diable ou bien de liberté. Donc c'est comme dans un procès de liberté où le défendeur est à la fois l'objet et le défendeur du procès. Ce qui avait déjà problématique déjà d'un point de vue juridique, ouais, ça, non ? Ça, tout à fait problématique. Et donc le procès se développe parce qu'il faut trouver un avocat pour le genre humain, et l'avocat, c'est la Vierge Marie. Le juge est le Christ. Ce texte n'a pas une forme établie et établie définitivement dès le début, parce qu'elle prend des formes différentes qui s'adaptent au contexte dans lequel il se trouve. Donc, dans le contexte théologique, il n'y a pas beaucoup de citations de droit. Tandis que si on retrouve le même texte dans des collections d'ouvrages de droit, il se trouve beaucoup de citations de droit. Donc le même texte peut servir d'un côté d'explication, de mise en scène du problème de la santé du genre humain, du salut du genre humain, et de l'autre côté, dans les milieux juridiques, dans une sorte de procès limite dans lequel il se voit comment ça marche, les règles, comment marchent les règles de la procédure. Donc, si on l'utilise dans des milieux juridiques, on cite beaucoup de textes d'autorité, soit de droit romain, soit de droit canonique. Si on l'utilise dans les milieux théologiques, on laisse ça de côté. Et il y a aussi des versions qui sont différentes, et des versions qui ont des passages qui manquent dans d'autres versions. Donc, est un texte, comme on l'appelle normalement, un texte vivant, qui s'adapte aux différents contextes, ayant une base qui est commune à toute adaptation. Ce texte a eu un succès remarquable, parce qu'il a été traduit déjà entre 14e et 15e siècle, en allemand, en français et en catalan. Donc, c'est diffusé en latin, naturellement, mais aussi dans des langues vulgaires. Et il est imprimé à l'invention de l'imprimerie, soit dans des contextes d'ouvrage, soit seul, soit dans des contextes d'ouvrage théologique ou même de mise en scène de questions variables par la voix du procès fictif, et soit dans les ouvrages de Bartol, comme j'ai dit. La fortune la plus longue du texte est naturellement dans les ouvrages de Bartol, qui ont continué d'être imprimés pendant 2 siècles, et donc qui ont continué d'avoir dans le dernier volume, qui est un mixte de traités, aussi ce texte, qui est présenté comme l'ouvrage de Bartol. L'historiographie juridique l'a pris comme un ouvrage probablement faux, mineur, qui n'intéresse pas vraiment le développement des théories juridiques. Surtout la théorie de Savigny, qui a déjà exprimé un jugement absolument négatif sur l'ouvrage, qui est considéré un ouvrage d'aucune valeur de point de vue juridique. Donc, l'histoire du droit classique l'a laissé complètement de côté. Et donc, c'est vraiment le mérite de Béatrice Pachuta de l'avoir récupéré et de l'avoir remis en discussion. C'est italien ou pas? C'est italien, le texte probablement, on ne sait pas. C'est imprimé aussi par Goldust dans le recueil des procès Ioco Serius, c'est-à-dire avec les arrêts d'amour et d'autres ouvrages qui, sur une forme procédurale, portent des sujets qui ne sont pas juridiques, comme la question de l'amour, qui est jouée comme un procès entre les amants. L'histoire. Au début, il y a la décision du diable d'essayer de rentrer en possession du genre humain. Et la décision d'essayer d'atteindre à ses buts à travers une plainte portée au juge suprême qui est le Christ. Donc le diable désigne un procureur, qui est un diable aussi, mais c'est pas le diable, c'est un diable, qui se prépare et qui va porter plainte auprès du Christ pour réobtenir la domination du genre humain qu'il avait perdu. Déjà, les débuts du travail, portent surtout sur des problèmes de procédure. Parce que le premier problème, c'est de avoir une réponse. Et donc, comme pour tout avocat, le premier espoir du procureur, c'est de ne avoir pas de réponse, donc d'agir en contumace, et donc d'être posé en possession de la res litigiosa, de la chose, par contumace du défendant. Et donc là, il y a déjà le problème de donner un délai pour la comparution en cours du défendeur et de trouver un procureur pour défendre l'humanité. Et là, il y a déjà le premier problème parce qu'on doit donner 3 jours de délai et ça se passe au mercredi saint et 3 jours tombent sur le vendredi saint. Et vendredi, c'est un jour férié. Et donc, normalement, on ne devrait pas discuter un cours. Et le Christ, qui sait que ce n'est pas facile de trouver un bon procureur pour défendre les gens romains, essaie de donner 3 jours. Et les diables disent non, ce n'est pas possible. Et alors, déjà, se pose le problème de la justice. C'est-à-dire qu'il faut suivre les règles strictes du droit afin de ne pas démontrer que Dieu n'est pas juste. Donc, vous voyez que se mêle déjà la dimension théologique et la dimension de procédure juridique. Donc, la procédure doit être suivie à peine de démontrer l'injustice du juge et donc de démontrer l'injustice de Dieu lui-même, de Christ. C'est Christ le juge parce que Dieu a délégué la fonction de juger au Christ. Alors là, il y a toute une série de questions procédurales. Donc, le Christ répond, dans ce cas, on doit relaxer un peu la rigidité de la règle des trois jours, parce que on peut bien non, la règle pardon du jour férié, parce qu'on peut bien juger le vendredi saint, parce que c'est moi qui ai fait la règle et c'est moi qui peux la changer. Au bout de trois jours, le procureur du diable revient et il n'y a personne qui se présente pour défendre les gens. Alors là, il y a encore le problème du droit strict et de la relaxation de la règle. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour le juge de donner une prorogation d'un jour. Et naturellement, là, c'est le texte qui pose ce problème, parce que le texte aurait pu bien dire que tout ça se développe entre lundi et jeudi d'une semaine quelconque. Mais le texte veut montrer que le juge divin, le Christ, qui est un juge humain de quelque façon, doit relaxer la rigueur de la procédure afin d'introduire une équité dans la procédure. Parce que si on observait seulement les règles strictes, le diable aurait déjà, c'était déjà emparé de la domination sur l'humanité. Alors, encore une fois, le Christ dit, vous savez que la distance entre le ciel et la terre est très longue, et donc c'est normal que le genre humain ne réagisse pas tellement vite. Donc, il faut accorder encore un jour pour chercher. Alors, encore une fois, on cherche cet avocat. Et qui est le meilleur? La meilleure, c'est la Vierge Marie, qui avait déjà été considérée comme avocat du genre humain par la Salve Regina, qui est une prière qui a été déjà très utilisée dans la piété chrétienne en Europe. Donc, d'être appelé avocata, c'était typique de la Vierge Marie. Mais là, encore, il y a encore deux problèmes de règles. La première règle, c'est qu'une femme ne peut pas être procureur pour droit romain. Et la deuxième règle, c'est qu'il y a une relation de parenté entre le juge et l'avocat. Vous voyez? Donc aussi là, il y a encore des problèmes de procédure, vous voyez? Donc, là, c'est dans le droit romain même qu'on arrive à trouver les solutions. C'est toujours là le mécanisme typique du droit romain entre la règle et l'exception. C'est vrai qu'une femme ne peut jamais être procuratrice, mais ça tombe, cette règle tombe lorsque à une femme est demandé de défendre les gens les misérables. Et la Vierge dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus misérable que le genre humain? Et donc là, on peut appliquer l'exception romaine qui dit que dans ce cas, la Vierge peut bien défendre. Et aussi sur la parenté, quelle est l'objection sur la parenté? Il y en a dans le Christ est nato per sua sola potenza. Ah, si, si, si. Non, lei c'est que il s'agit d'une parenté un peu douteuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment la mère parce qu'elle n'a pas. En jouant le Christ avec le système normal, mais elle a seulement été le véhicule de la venue de Christ sur la terre. Non? Donc, vous voyez, le point, je crois que sur ce début de l'ouvrage, c'est cette relation entre la règle et l'exception qui est une relation interne au monde du droit. C'est pas que à cause de ce procès qui se développe au paradis, les choses changent. On utilise des logiques qui sont des logiques tout à fait terrestres. Tu veux dire quelque chose sur... Oui, peut-être. Alors, vous avez compris que lui, c'est le grand conteur. Moi, je suis le commentateur. Des niches. Et donc, on démarche comme... C'est notre démarche. Pour éviter de faire un topo l'un après l'autre. Alors, justement, sur cette question-là, que c'est bien représenté dans tous ces procès-là, cette articulation permanente entre la rigueur du droit et sa relaxatio, c'est que, est appelé de manière bien précise, que c'est l'équité, ou l'équitable. L'équité, l'équitas, évidemment, c'est un concept très ancien, à partir de l'Aristote, il y a toute l'Equitas romana et ensuite il est décrit au Moyen-Âge. Mais là, ce de quoi il s'agit, c'est de l'Equitas canonica. Donc c'est une sorte, c'est une notion vraiment très stratifiée qui commence à l'Épicée, dans l'Épicée aristotélicien, et là c'est sa formation précise dans le cadre juridique romain, et les reprises dans le contexte médiéval où effectivement il y a cette nouvelle problématisation sous la formule très célèbre de Cardinal Ostiensis, qui est rappelée dans le livre « Equitas est justitia, dulcore, misericordiae temperata ». Donc ça c'est très connu. Et alors la question c'est comment les dispositifs de l'équité est joué à l'intérieur de ce procès. Parce qu'en fait l'équité pourrait être à la fois soit un remède interne au procès, c'est-à-dire le juge se prévaut de l'équité ou suggère des arguments, ou la Vierge Marie se prévaut de l'équité, là où c'est la seule manière pour s'en sortir des argumentations de strict droit qui si c'était appliqué jusqu'au bout, déterminerait la victoire du diable. En fait, tout ce qui émerge dans ce procès, là que le diable, c'est le véritable vainqueur en termes de droit. Ça, c'est clair. On ne peut pas accepter ça. Il faut trouver toujours des formes d'ajustement qui permettent quand même à la vérité, qui est déjà connue du départ, de s'affirmer aussi en termes du procès. Quel est le stratagème, quelle est la ruse pour faire en sorte que le rigor iuris puisse s'accorder avec la vérité théologique? Eh bien, le point de raccord entre le droit et la théologie, c'est l'équité. C'est grâce à cette notion d'équité qu'on arrive à faire en sorte que ce qu'on peut appeler la vérité ontologique du droit, à savoir le fait qu'il faut respecter toute une série en succession de la procédure, hein. Donc il faut faire d'abord une chose, après une autre, on ne peut pas faire des choses, donc toute une série d'actes en succession, donc dont la vérité est le produit d'une espèce d'ontologie de ces énoncés, eh bien cette ontologie doit recouper l'orthodoxie, c'est-à-dire la vérité qui a priori doit être confirmée. Et ça, c'est exactement pour la raison pour laquelle l'équité entre tous les temps. Alors, la question que je voulais déjà un peu pour élargir, pour problématiser le rôle de l'équitas, hein, qui revient tout le temps, par exemple, comme c'est Christ dit, le juge peut juger selon la mera justitia, selon le rigor iuris, ou bien selon l'équitable, une fois qu'il tient compte des personnes, des causes, de lieux et de temps. Donc l'équité, grâce à la prise en considération de ces quatre éléments, personne, cause, lieu et temps, arrive à tempérer la rigueur du droit. Et ça revient dans tout moment du procès, hein, donc je n'anticipe pas les phases successives qui vont être décrites par Emmanuel. Mais parfois, c'est vrai que c'est ça l'intérêt de ce procès, que même le recours à l'équité peut se révéler plutôt maladroit, parfois. Et rentrer même en conflit avec la logique du procès. J'avais remarqué, bon, vous n'avez pas lu le manuscrit, mais bon, dans un moment du procès, alors, on parle, alors, justement, l'équité a un rôle très, très fondamental au cours du procès, lorsque la Vierge demande au Christ d'être clément et de retirer toute accusation de ignuria que le genre humain aurait commis à son égard. De sorte que toute prétention du diable pouvait tomber. Cette demande, qui se s'appuierait sur la raison d'équité et pas de droit, eh bien, cette demande est rejetée par le juge lui-même, par le Christ, que dit à la Vierge Marie, fais attention, parce que tu as une erreur. Donc, parfois, l'équité peut être aussi trompeuse. Parce que, il dit, si ta requête était reçue, eh bien moi, le juge, serai la partie lésée, et donc je ne pourrai plus juger. Donc les procès tombent. Donc c'est ce qui cherche effectivement les diables. Donc un recours à l'argument équitable, parfois, quand il entre en conflit avec la logique même du procès, ne peut pas faire l'affaire de ceux qui veulent se prévaloir de cet argument-là. Donc l'équitable, l'équité, c'est un concept, je crois que les romanistes avaient raison, les romanistes au sens des historiens du droit romain actuel, qui est une espèce de concept vide, qui peut se remplir de n'importe quel contenu, ça dépend des circonstances. Donc c'est vraiment situationnel. Ça, c'est une manière d'entendre l'équité. C'est vrai aussi que l'équitable peut être aussi les critères selon lesquels, in toto, le jugement peut se dérouler. Donc, c'est comme la logique de l'équitable peut régler le déroulement du procès entier. Et donc, au lieu d'appliquer le rigor iuris en général, on applique tout le temps la notion d'équité. Mais, ce sont les deux manières, disons, d'actualiser dans le contexte du procès l'équité. Et pour ajouter finalement quelle est la racine non seulement aristotélicienne et romain de cette notion-là, quand je dis romain, évidemment, je pense aussi au topique de Cicéron, hein, donc où il y a la fameuse définition que l'équité c'est la force idéale, que in paribus causis paria jura desiderat. Hein. Donc qu'il faut juger dans l'égalité les cas qui sont égaux. Hein. Donc ça c'est la version romaine. Ce qui, il me semble, hein, quand on lit le procès, ce qui a l'œuvre, quelle est la notion fondamentale? Certes, il y a la notion fondamentale que je donnais tout à l'heure de d'Ostiensis, mais il y a aussi sous-jacente, me semble-t-il, aussi la notion comme elle a été remaniée par Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, évidemment, il prend comme modèle l'Épicéia d'Aristote, de le cinquième livre de l'éthique à Nicomaque, dans lequel, il faut le rappeler, l'équitable ne rentre comme notion que dans le rapport entre la norme universelle et son application particulière. C'est comment régler où il y a cet écart entre l'universel et le particulier. Donc c'est un rapport interne à la logique des normes. Comment rendre opératoire une norme dont le contenu général n'arrive pas à s'accommoder du cas spécial. Qu'est-ce qu'il fait Thomas d'Aquin quand il lit Aristote? Eh bien, il ajoute une troisième dimension, que dans ce rapport entre le général et le particulier, il faut avoir regard à quoi? Bon, à l'utilitas commune. Et il me semble que c'est toujours cette idée d'équitable thomistique sous-jacente à ces procès-là, parce que finalement, il faut toujours que l'orthologie du procès, donc la séquence rigoureuse de la logique processuelle, s'accorde avec la vérité qu'on connaît déjà d'avance, parce qu'évidemment, c'est un faux procès. On sait comment il va se terminer. Hein. Donc il faut que la logique du droit recoupe la logique de la théologie, parce que la logique de la théologie est animée par une sorte d'utilitas commune, et c'est là qu'intervient l'équité. L'équité doit quand même mesurer les rapports entre le général et le particulier à la lumière d'une grandeur plus grande, je dirais, qui est l'utilitas commune. Et c'est exactement ce qui dans la seconde question 120, dans la somme théologique, Thomas d'Aquin, c'est exactement ce qu'il dit. L'équité, est exactement, il faut l'entendre à la lumière de ces deux grandeurs. Bon commun d'abord et après communis utilitas. Donc, et c'est exactement ça. C'est ça qui permet ce va-et-vient dans les procès entre une dimension strictement juridique et la possibilité que cette dimension strictement juridique puisse s'accommoder de cette vérité apolitique qu'on connaît du départ. Et que donc, il faut forcer ces mariages entre le droit et la théologie, tout en sachant que, comme c'est écrit dans l'article que vous l'avez lu au départ, il y a toute une matrice marcionienne, qu'on dit, dans cet écrit-là, parce qu'on voit bien que le dieu de la loi, c'est le dieu de la création, alors que ici, ce qui compte, c'est le dieu père, et que donc, quand le diable dit « mais le dieu de la loi a condamné les gens romains », donc c'est les dieux de la qui est le dieu éloigné de Harnack, hein, pour dire Harnack qui est marchand. Et bien là, la Madone, la Vierge Marie, elle doit toujours se réclamer du fait que c'est l'autre, c'est le Dieu Père, c'est donc qui a l'œuvre. Et c'est grâce à ça qu'on arrive quand même, on comprend aussi pourquoi avait été traduit en Allemagne, ce livre, parce qu'il y a quand même un élément qui parle beaucoup aussi aux protestants, parce que finalement, toutes les raisons du droit qui militent du côté du diable identifient donc le diable avec le droit, d'où tout le fameux brocard luthérien « Juristen böse Christen ». Donc ça, c'est effectivement, on comprend toute la logique aussi de la diffusion, pourquoi ça se diffuse dans certains contextes et pourquoi pas dans d'autres. Mais voilà, donc juste pour faire un point sur la question de l'équitable, qui est un peu cette sorte de soupape qui permet de passer du droit à la théologie et vice-versa. Mais là, on n'est même pas rentré dans le fond. Oui. C'est-à-dire qu'on reste sur la procédure, qui est très importante. On peut dire que presque une moitié de la discussion se déroule sur des questions de procédure pure. Hein? Parce que le diable est un bon avocat. Il cherche à gagner le procès sans entrer sur le fond de la question. Sans entrer sur le fond de la question. Et la dernière objection préjudicielle, c'est en matière de possession. C'est en matière de possession, comme la possession avait été transfigurée par les sources de droit canonique et était arrivée dans le décret de Gratien à la moitié du XIIe siècle. Parce que avant de contester le procès, la dernière objection du diable, c'est « Moi, j'avais demeuré en possession d'une gerbe humaine pendant un très long temps. Et moi, j'ai été dépouillé de cette possession. Donc, avant de discuter sur le fond, donc qui a le droit de dominer le gerbe humaine, soit Dieu, soit le diable, je veux être restauré dans ma situation légitime de possession ou illégitime, dans ma situation de fait qui était avant. » Alors là, c'est vraiment le rappel à un moyen qui a été de plus en plus important dans le droit commun à partir du XIIe siècle. Dans le sens qu'il y a vraiment la rencontre entre des sources romaines qui disciplinaient le procès possessoire, qui sont les sources sur les interdicta, l'interdictum undevi et l'interdictum uti possidetis, là où on considère que lorsque quelqu'un était en condition de juste possession de quelque chose, mais chose seulement matérielle, et si cette possession était dérangée par la force, de vie ou par toute autre forme de piège, pour ainsi dire, il avait le droit de s'adresser au juge pour demander d'être restauré dans sa situation d'avant. Ça, vraiment, c'est le côté procédural de cette institution romaine qui est tout à fait vraiment toujours discutée par les juristes à partir de Rome et puis tous les temps pendant le Moyen-Âge et puis encore au début de la doctrine juridique moderne qui commence en 1803 avec le fameux traité de la possession de Savigny qui ouvre les portes à la panthéistique et au conceptualisme juridique du XIXe siècle. Donc c'est parce que c'est un concept qui est vraiment à la limite entre le fait et le droit. Parce que c'est une situation de fait qui est qualifiée par le droit et qui porte à des conséquences qui sont tout à fait juridiques, c'est-à-dire que porte à des conséquences de action judiciaire, voilà l'interdict, donc une forme particulière d'action en justice pour obtenir non pas la reconnaissance d'un droit de fond, mais la restauration d'une situation de fait. Et d'ailleurs, la deuxième conséquence, c'est l'acquisition par usucapion ou prescription acquisitive des choses dont on a une possession en bonne foi pendant un certain délai de temps. Alors voilà qu'il s'agit d'une situation de fait qui n'est pas une titularité juridique, mais qui est établie par le droit. Établie par le droit parce que il ne s'agit pas que toute personne qui sont en condition d'avoir quelque chose dans la main sont en possession de cette chose, c'est-à-dire que c'est le droit qui qualifie l'attitude du sujet face à la chose et pour reconnaître ou pas la possession dans ce sujet. Voilà donc que si le sujet, par exemple, est conscient du fait que la chose appartient à quelqu'un d'autre, ou la personne est un voleur parce qu'elle a volé à quelqu'un d'autre, elle n'a pas la bonne foi, qui est un élément indispensable pour qualifier sa position comme position d'un possesseur. Autrefois, il ne serait qu'un détenteur de la chose, ou même pas un détenteur. Donc, les conséquences juridiques de la possession s'attachent seulement à la situation qualifiée par le droit romain de possession. Cette prémisse romaine, qui se trouve dans le droit justinien, avait été plus ou moins oubliée pendant le Haut Moyen Âge, et pendant des siècles, on ne s'est plus intéressé à la situation subjective du possesseur. Et d'ailleurs, on avait plutôt concentré l'attention sur le fait de la façon dont quelqu'un avait été dépossessé de la chose dont il était en contrôle. Et voilà qu'il s'affirme dans des sources canoniques, mais aussi dans des sources de droit laïque influencées par l'Église, comme c'est le droit des Visigoths en Espagne, une forme de dépossession qui n'est pas exactement la dépossession romaine, qui s'appelle le dépouillement, le spolium. Le dépouillement n'a beaucoup de caractéristiques qui sont indispensables pour la possession romaine, parce que ce qui relève là, c'est le fait que quelqu'un était en condition de jouir d'une chose, n'importe comment, même s'il était conscient que ce n'était pas sa chose, même, ça n'intéresse pas l'attitude psychologique. Mais seulement le fait que quelqu'un avait été dépouillé de sa condition. Alors voilà qu'il y a une vision de cette possession, entre guillemets, parce qu'on ne l'appelle même plus possession, on l'appelle le contraire de dépouillement, c'est-à-dire vestitoire. Vestitoire, c'est le contraire de dépouillement, et se traduit en français, un peu plus tard, saisine. Saisine signifie d'être saisi de quelque chose, indifféremment de l'attitude psychologique du sujet. Alors, procédure, soit canonique, soit laïque, influencée par le droit canonique, c'est une procédure qui n'est pas exactement la procédure romaine de l'interdicta. Et les deux traditions se croisent au XIIe siècle, dont tu viens de parler, parce que la redécouverte du droit de Justinien fait que les canonistes reprennent la question de la possession et font une sorte de mélange entre la forme de remédier au dépouillement qui s'était établi pendant le Moyen-Âge et la tradition romaine qui venait d'être redécouverte. Donc, dans ce sens, je dis que lorsqu'on se voit dans un texte comme ça, il y a des traditions qui peuvent être aussi très anciennes, qui se croisent et qui arrivent à être utilisées dans un contexte particulier, parce que le diable, il dit, moi j'ai été dépouillé de la possession du genre humain. Et donc, le droit romain me dit, et les droits canoniques aussi avec l'action de dépouillement, on ne peut pas commencer le procès si la partie qui avait été dépouillée de la chose de l'utiliser n'est restituée dans sa possession. Parce que juste après, on pourra discuter. Et donc voilà, c'est encore, si vous voulez, une façon de résoudre le problème sans rentrer dans les fonds. Donc il s'agit de démontrer qu'il y a eu un fait qui a enlevé le contrôle du genre romain au diable. Aussi là, il y a l'objection, qui est une objection qui est fondée naturellement sur les caractéristiques de la possession qui sont établies par droit romain. Parce qu'en effet, par droit canonique, si on était seulement dans le cadre du Moyen-Âge, le diable aurait gagné là. Parce qu'il n'y avait pas d'objection vraiment valable pour repoussé cette demande d'être réintégré dans les processions. J'ai fait seulement l'exemple comment ça s'appelle, la femme de Lothaire deuxième, Lothaire qui voulait qui s'appelait Waltraud, bon c'est un nom allemand, Teutberg. Qui est Teutberge en français, Lothaire voulait la quitter et marier une autre. Et donc, il voulait avoir un divorce, Ankmar s'est occupé de ça, avec un livre assez important. Et le problème, c'était tout le temps que Lothaire l'avait déjà rejeté de la maison. Et donc, il l'accusait d'inceste et n'importe quoi, et peut-être qu'il aurait pu obtenir le divorce par le pape. Mais le pape répond toujours, il faut avant redonner sa condition de femme à Teutberge, et après on commencera le procès. C'est une question de procédure. Comme Lothaire ne veut pas la reprendre à la maison, on ne peut pas commencer de faire le procès. Parce qu'il faut avant revenir. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée romaine de possession. Parce que l'idée de possession romaine s'attache seulement aux choses matérielles, pas à la situation de femme, par exemple. Non? Donc c'est une construction tout à fait médiévale qui se détache assez de l'idée de possession romaine. Donc au XIIe siècle, ces deux traditions se croisent parce qu'on commence à dire non. On peut se plaindre, on peut demander d'être remis en possession de la chose, donc on peut porter une exception de dépouillement, de spolium, seulement lorsque on démontre d'avoir une possession légitime selon le droit romain, c'est-à-dire une possession non vie, non clam, non precario, c'est-à-dire pas avec la force, pas avec la clandestin, clam, c'est le... et pas seulement pour des situations de, par exemple, de provisoire. Non, c'est-à-dire, on est conscient qu'on a à la disposition d'une chose pendant 6 mois. Alors ça, c'est pas une possession. Alors, la réponse de la Vierge à cette demande de dépouillement, c'est que ce n'était pas vraiment une véritable possession. Parce que si tu es le diable, c'est sûr que tu avais triché, de quelque façon, non? Quand tu es le diable, tu es en triché. Donc tu avais triché et donc tu ne peux pas être en bonne foi. Non? C'est une bonne réponse. Enfin. On arrive, vous voyez, à discuter sur le fond, seulement en ayant superé toutes ces objections de procédure. Je donne un peu quelques éléments de la discussion sur le fond. La discussion sur le fond entre le diable et la Vierge porte naturellement sur des éléments qui sont évidents. Premier, le péché originel. C'est-à-dire, quels sont les effets juridiques du péché originel? Est-ce que le genre humain a été acquis à toujours par le diable, ou bien que le diable a été seulement un custode, un gardien du genre humain en attendant le jugement final? Alors, quel type d'effet juridique a eu le fait du péché original? Deuxième question que je trouve très intéressante parce que c'est fondé sur des racines théologiques très anciennes, c'est l'ainsi dit piège de la croix. C'est-à-dire que le passage du genre humain sous le contrôle du diable a eu les caractéristiques d'une manifestation de justice. Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit proibé. Ils l'ont mangé, conséquence, ils sont chassés du paradis. Et posé sous le contrôle, sous le domaine du diable. Tout ça se déroule d'une façon juste. C'est correct. Alors voilà que la mort du Christ, c'est l'injustice qui échappe à ce schéma de conséquences correctes. Et Béatrice fait noter qu'il y a toujours l'idée que c'est une femme qui avait essayé de faire faillir le piège de la croix. Parce que c'est la femme de Pilatus, comment on l'appelle en français, Pilatus ? Pilate. La femme de Pilate, qui avait dit à Pilate, écoute, j'ai eu un rêve, et c'est dans l'évangile de Nicodème, j'ai eu un rêve, donc je te dis, ne condamne pas cet homme à mort. Et si Pilate n'avait pas condamné Jésus à mort, il n'aurait pas rompu la règle de la justice et de l'injustice, avec une injustice totale, absolue, comme c'est la condamnation à mort du Christ. Et cette injustice totale, absolue, qui a permis la libération du genre humain. Et donc, il y a aussi cette idée d'un ordre qui, si vous voulez, dépasse aussi le pouvoir absolu de Dieu. Dieu ne peut pas faire autre chose que de tendre un piège au diable qui ne s'aperçoit pas que de cette façon il va perdre le contrôle sur le genre humain. Non ? Et donc, c'est aussi une histoire de femme, parce que de toute façon, ce sont toujours les femmes qui créent des problèmes. Parce que là, c'est Ève au début, après Marie qui essaie de défendre d'une façon pas tellement technique toujours. Le genre humain, et puis celle qui avait risqué de faire tout tomber, c'était la femme de Pilate qui avait essayé de empêcher la mort du Christ, qui s'était fait de sauver par l'injustice, c'est pas par nous. Non, je sais pas si tu veux dire quelque chose sur... Sous la femme, je dis rien. Non, mais c'est sur l'ordre. Voilà, peut-être de deuxième niche, puis je mettais. Alors, tout ce que le livre met bien en évidence, c'est que tout l'objet théologique est passé au crible de l'ordre judiciaire. Donc, c'était comme si, là, pour nos rapports entre les sciences sociales, c'est un bon texte, ça. Parce qu'effectivement, avec la reprise au XIIIe siècle par les canonistes, d'une réflexion sur la notion de ordre judiciaire, donc sur la matière du procès. Parce que ce livre, je le dis bien, c'est un petit traité de droit procédural. Ce qu'on apprend au-delà de toutes les questions de fond, c'est comment on agit dans un procès. Mais quand on agit dans un procès, on n'agit pas par hasard, on agit en respectant justement des règles. Et c'est ce qu'on appelle l'ordo judiciarius, qui a été formalisé par Tancred au début du XIIIe siècle, et puis reprise vers la seconde moitié du XXe siècle par Guillaume Durand. Eh bien, la question, justement, le livre souligne ça, que le procès judiciaire est un rite, est une liturgie, dans le sens que tout l'ensemble des gestes et des formules qui marquent le parcours du procès, exactement, toutes ces formules, tous ces gestes, toutes ces procédures, ces liturgies, sont la garantie formelle et substantielle du fait que le procès va aboutir en vérité. Donc dans les champs du procès et dans les champs de la liturgie, le fait d'observer de manière rigoureuse des passages qui sont prévus par la doctrine, enfin par ceux qui avaient commencé à réfléchir sur le rite, sur l'ordre judiciarius, en adoptant au contexte canonique aussi le legge romain, eh bien tout ce passage-là, l'observation rigoureuse de tout ça est la garantie substantielle du fait que la conclusion est incontrovertible et que la vérité est pleine. Donc, effectivement, la vérité du procès, c'est quelque chose qui repose sur cette capacité de ce qu'on a dit tout à l'heure, l'orthologie des énoncés, et pas sur leur orthodoxie. Alors, donc, c'est ça qui est intéressant, parce que d'emblée, les juristes disent qu'il y a un ordre du droit qui est différent des autres ordres, qui se superpose sur les autres ordres, et qui a sa logique autonome, autosuffisante. Donc, qui est un, c'est un ordre logique, donc qui est rythmé d'une manière arithmétique aussi. Hein, le livre accentue cet aspect-là. Et que pour attendre une solution. Alors, sur cette question-là de l'ordre, il y a d'abord cette chose-là, c'est-à-dire que tous les juristes de l'époque, aussi le parti du XIIIe, mais même un grand élève de Bartol, Compald, il s'était, justement, en réfléchissant parmi les autres sur la notion d'ordre, il était revenu sur le lieu aristotélicien classique de la qui marque l'action, donc la puissance, la volonté et le mode. C'est exactement sur les modes que l'action du juriste se concentre, parce que c'est le mode qui permet d'atteindre un but. Et Bald dit « destructo modum, destruitur ordo ». C'est-à-dire que l'ordre, c'est une construction entièrement procédurale, qui se superpose à d'autres visions de l'ordre, qui sont la vision de la nature, donc la création, et des anciens, des autorités des anciens. Donc, il y a une troisième couche de l'ordre qui est un ordre entièrement construit, je pourrais dire, par le respect d'une séquence de passages logiques. De sorte que si les modes, c'est très important, modus au sens à la fois de manière, mais aussi de mesure, aussi, hein, dans le double sens. Si on ne respecte pas les modes, l'ordre n'existe pas. Donc, c'est intéressant comment les juristes ont, de leur côté, une notion assez souple d'ordre, absolument constructiviste, on pourrait dire, qui ne nie pas les deux autres formes d'ordre, à savoir l'ordre de la nature et l'ordre de la tradition, mais qui rajoute une autre manière pour arriver à l'ordre, pour concevoir l'ordre. Et ça, c'est quelque chose de, pour nous, ici à l'école d'autres études, c'est fondamental. Parce que si justement on pense que le droit c'est une sorte de superposition à quelque chose qui se dépasse à un autre niveau, c'est comme si le droit avait comme but celui de cacher ce qui est la réalité. Donc les formes revêtent justement la fonction de vestiture et donc trahissent un peu le véritable qui se situe ailleurs. Alors, évidemment, on a un peu de méfiance à l'égard de cette troisième construction de l'ordre que les juristes ont vocation plutôt à développer. L'ordre comme modus, hein, pour attendre enfin. Mais si au contraire, on pense que dans cette procédure, dans cette manière de concevoir l'ordre, disons comme ça, constructiviste, hein, artificialiste, c'est une manière, en tant que telle, déjà de s'inscrire dans le social et de produire des effets sociaux, alors, évidemment, les rapports entre droit et sciences sociales ont une valeur différente, ont une compréhension différente. C'est-à-dire que le droit n'est pas là pour cacher ce qui se passe dans le social, ou pour l'altérer, ou pour, pour en changer la nature, disons pour le trahir, hein, et que donc il faut toujours se méfier. Donc on revient à Luther, Juristen böse Christen. Mais que le droit, c'est une manière de pratiquer, au sens de résultat de la praxis, hein, et que de constituer le social tout en les décrivant, tout en les qualifiant. Alors, là, effectivement, avec cette prétention que émerge dans le livre de manière très très claire, hein, tout l'ordre judicialis est là pour déterminer à sa façon un ordre qui a du mal parfois à s'accommoder d'un autre ordre, mais qui, donc, on connaît déjà les résultats. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout simplement didascalique, parce qu'il faut aussi le rappeler, c'est un traité dont la vocation est principalement didascalique. On l'utilisait dans les écoles pour montrer les valeurs exemplaires de certaines choses. Donc, la vérité déjà acquise, c'était un peu de réfléchir sur la manière dont on arrive. Hein. Donc, c'était un peu pour aiguiser l'intelligence des élèves. Et donc, si on assume qu'il y a différentes manières pour arriver à l'ordre, eh bien alors, effectivement, là, c'est un beau cas aussi pour réfléchir sur le rapport entre les droits et les sciences sociales. Mais il y a aussi un autre élément sur lequel je voudrais venir à propos de l'ordre, parce qu'à un moment donné, je crois que ça paraît pas, d'une manière, oui, dans la livre, oui, mais évidemment dans le livre, beaucoup plus développé, À un moment du livre, on dit que Christ, c'est le juge par antonomase. C'est le Christ, le juge donc, par antonomase. Et donc, la référence est faite immédiatement au Évangile de Matthieu 25, 31, 46, où on parle effectivement du jugement dernier. Alors, parce que c'est très intéressant ce que Béatrice a dit à ces propos-là, parce que avec, c'est immédiat que ce procès-là a comme terme de comparaison le modèle par excellence, que c'est le jugement dernier. Mais justement, quand on parle du jugement dernier, dans les livres, on dit qu'est-ce qui se passe effectivement de ce jugement dernier ? Est-il véritablement un jugement ? Est-il Dieu un véritable juge ? Enfin, Christ un véritable juge ? Eh bien, dit qu'est-ce qu'il fait le Christ, même dans l'évangile de Matthieu, tel qu'il est décrit dans l'évangile de Matthieu, il ne juge pas. Il est à la fois. Il n'y a pas un procès, parce qu'il n'y a pas les trois parties. Donc, c'est un jugement sans procès. Donc, le Christ juge ici. En fait, plus que juge, le Christ est à la fois un créancier et un comptable. Créancier dans la mesure où ça vaut ce que ça apparaît aussi dans l'article, à savoir que depuis Anselme, on parle pour, renverser les modèles agostiniens, on parle de satisfaction du Dieu créancier à travers le sacrifice du Christ. Et donc, le Christ n'est pas en rançon pour la liberté humaine. On sort de la logique du rachat, donc du rançon, pour entrer dans la logique de la satisfaction. Donc, c'est dans une logique, effectivement, d'un rapport créancier. Le Christ, c'est le créancier. Le diable est exclu parce que les rapports, c'est avec le genre humain et Dieu. Donc le diable n'a rien à voir avec cette histoire. Et donc effectivement, c'est ce modèle-là, même dans le jugement dernier, à lequel tu fais référence, Béatrice, qui effectivement, c'est un juge, Christ un juge avec des qualités qui ressemblent beaucoup plus à celles d'un comptable. Il doit partager ceux qui sont comportés bien, ceux qui sont comportés mal, et aussi de parce que ceux qui se comportent bien, il doit lui rendre compte. Donc, il doit effectivement vérifier que quelqu'un s'est bien comporté. Donc, c'est effectivement toute la question que, par ailleurs, dans la théologie chrétienne, nous avons appris à connaître sous la forme du dépôt. Parce que chacun est dépositaire de quelque chose qui est un peu le sens de l'Évangile, et doit rendre compte de la manière dont il a géré ce dépôt. Et c'est au moment du jugement dernier qu'il va en rendre compte. Alors effectivement, ce modèle, ça nous permet effectivement d'avoir une lumière différente sur cette figure aussi du Christ, du jugement dernier, qui effectivement n'est pas tellement juge parce qu'il n'y a pas de contexte judiciaire, il n'y a pas de trois personnes, mais qu'il se passe quelque chose de différent. Voilà, tout simplement pour dire comment l'ordre judiciarius est très important pour déterminer, soit dans sa présence, soit dans son essence, dans son absence, la logique de ce procès. Je ne sais pas, donc, on peut, pour terminer, lancer quelques sujets de discussion. Je trouve que le texte attire nos attentions sur la relation entre la théologie catholique et le problème de la justice. Donc, on dirait que, pour des raisons différentes, par exemple, on fait le choix d'utiliser la dialectique procédurale du procès pour montrer, dans des milieux probablement religieux aussi, peut-être avec des représentations sacrées, la vérité révélée. Donc, la logique de la vérité révélée qui échappe un peu à la compréhension humaine. Et donc la façon de la rendre compréhensible, c'est de la mettre en scène comme un procès. Donc la matière même de la révélation serait la justice, cette adaptation de la justice divine à l'humanité, d'une certaine façon. Et peut-être que, comme l'âge est exactement la même, ça c'est un peu ma réaction en lisant le texte ne le dit pas, même Beatrice ne le dit pas, on pourrait regarder aussi la commedia de Dante avec des yeux un peu différents. Parce que le problème de l'enfer, le purgatoire, le paradis, et cette dialectique qui est toujours présente dans la commedia entre la règle et l'exception, la règle c'est que les vivants ne vont pas dans l'au-delà, l'exception c'est que Dante peut y aller. Et dans chaque canto, pratiquement, il y a un problème de dépasser une règle et de faire référence à la toute-puissance de Dieu pour dépasser une règle qui empêche de faire quelque chose. Et aussi là, il se trouve que cette humanité qui est décrite dans l'au-delà par Dante, c'est une humanité que regarde à Dieu pour établir la justice sur la terre, finalement. Et dernière remarque, c'est que nous, les historiens du droit, nous avons travaillé trop peu sur les sources théologiques. Et peut-être que la séparation académique médiévale et aussi moderne et contemporaine entre les disciplines théologiques et juridiques nous en a empêché de voir les connexions profondes qui existaient au niveau des travaux des savants du Moyen-Âge, ou même de l'âge moderne, et je pense à la théorie des contrats, par exemple, en âge moderne, et l'influence de la théologie tridentine sur, au-delà de la nouvelle scolastique, sur la forme du contrat dans le jusnaturalisme, mais aussi à la théologie protestante et les influences de la théologie protestante sur les jusnaturalismes d'autre côté, et donc sur la formation d'un droit privé moderne, finalement, et aussi d'un droit public, d'un droit des gens qui se forment justement avec la rencontre entre la tradition juridique et la tradition théologique. Mais alors, est-ce que c'est une rencontre qui se met en place au XVIe siècle? Ou bien c'est une ancienne tradition que les historiens du droit n'ont pas voulu regarder, et se limitant à considérer les ouvrages qui se présentaient comme commentaires du droit de Justinien ou du droit canonique, et refusant de regarder les connexions qui étaient d'ailleurs très évidentes, seulement en regardant la figure de quelqu'un comme Guillaume Durand, qui a écrit le texte base de la procédure qui a été utilisée pour des siècles, et aussi a écrit un des textes très importants pour la collection de la liturgie. Non, donc, c'était les mêmes savants qui avaient les deux, qui faisaient la connexion entre les deux disciplines, et c'est nous qui ne sommes pas en condition de repérer ces connexions qui sont probablement présentes, qui sont une grande tradition culturelle qui commence au Moyen-Âge, je crois au XIIe siècle, déjà au XIIe siècle, lorsque Savigny nous a montré des juristes civilistes qui s'y désintéressent complètement de la religion et du droit canonique, ce qui n'est absolument pas vrai si on regarde bien les sources, et qui continuent, même si les formes académiques imposaient d'écrire des ouvrages distingués de droit et de théologie, mais par des gens qui étaient complètement en condition de mélanger les deux traditions dans leur expérience personnelle. Et je crois qu'on peut peut-être arrêter de parler. Qu'est-ce qu'on, éventuellement, on pensait que si, je suppose que quand même l'autrice étant là, oui, on peut profiter de sa présence. Exactement. Est-ce que Béatrice, vous avez envie d'ajouter une notule ou une grande note aux commentaires qui ont été faits par vos savants amis et collègues? En français ou en italien? Je m'excuse, je peux parler en italien? Merci. Grazie. è molto difficile parlare di un lavoro che si è quasi finito, ma dunque grazie per le osservazioni che ho scritto. Le cose che potremmo aggiungere forse, avete fatto un accenno a una questione che per me, che a me sta molto a cuore, che è quella che apre il testo nella versione bartoliana, ed è un brocardo molto famoso, usato anche da Abelardo per dimostrare un ragionamento della logica, che è mulier damnavit et mulier salvavit, una donna ci ha dannati e una donna ci ha salvati, no? Per cui c'è questo orgasmo, questa X fra Eva e Maria e fra Adamo e Cristo, in cui, e in effetti nel processo si vede molto, le donne sono artefici del destino dell'umanità, della dannazione e della salvezza, ma lo sono strumentalmente, non agiscono mai in prima persona, ma soltanto perché credono a un angelo, comunque un angelo malvagio che è il serpente del paradiso terrestre, e a un angelo buono che è Gabriele per l'annunciazione. Quindi vengono raffigurate come donne che credono e che sono strumento di una volontà che non è la loro, per cui la Vergine alla fine della sua arringa dice, all'inizio dice, io non sono la madre del giudice, ma Cristo è nato per sua sola potenza come la verga di Aronne, genera fiori senza semi, e in questo riprende la teoria mariana di Bernardo della Madonna acquedotto, un tubo attraverso il quale Dio ha potuto arrivare sulla terra. Dunque, in qualche modo, il fatto che non ci sia una relazione di parentela biologica, per così dire, in qualche modo vanifica l'obiezione del giudice, cioè del diavolo, rispetto alla parentela col giudice. Obiezione che, per la verità, il diavolo avrebbe dovuto indirizzare al giudice, perché è il giudice che può essere rigettato per legittima suspicione, non l'avvocato della controparte. È soltanto che per il diavolo l'unico giudice, secondo l'ordo, è Cristo. Quindi questo è un processo in primo grado, ma è anche un processo che si conclude con una sentenza definitiva d'appello, ovviamente, no? È inappellabile la sentenza, no? E dunque la Madonna, alla fine della sua arringa, dice, ma insomma, in fondo il genere umano è stato dannato a causa della fragilità del sesso femminile. Quindi, dopo avere difeso con estrema potenza, forza e veemenza il diavolo e la Madonna, si insultano a un certo punto in questo processo. Il diavolo la insulta e la Madonna reagisce e lo guarda, dice il testo, con orribili oculo, quindi con l'occhio fiammeggiante, e lo colpisce con... E alla fine la donna è assolutamente uno strumento. Allora io sono andata un po' a cercare come e quando questo ruolo di Madonna avvocata, che all'inizio è soltanto da intendersi, io credo, come soggetto che intercede fra l'umanità e il figlio, quindi è intercessora, è la mediatrice, non è un'avvocata. Allora, quando la Madonna mette veramente la toga, cioè quando diventa avvocata nel senso giuridico del termine, la sua difesa è fatta tutta sulle fonti del diritto, allega Giustiniano, allega le decretali di Liber Extra. dunque probabilmente è una costruzione appunto del XII e XIII secolo e rientra nel grande successo del culto mariano, per cui la Madonna, fra le altre qualità, come appunto io dico prototipo di donna impossibile, come è impossibile Eva perché è la grande peccatrice, così è impossibile la Madonna, triplicemente vergine, è onnisciente, la Madonna è sapiente, oltre ad avere tutte le altre virtù, la Madonna è anche onnisciente, dunque sa di diritto e dunque può difendere in giudizio come soltanto lei sa fare. In realtà questo topos della Madonna togata si afferma già a partire dal XIII secolo, quindi questa è una ripresa un po' tarda, perché il testo con ogni probabilità, così come lo conosciamo, è composto nel XIV secolo, non da Bartolo, io penso, da un canonista, certamente da un soggetto che sa di diritto, ma sa anche di teologia. Non è escluso che possa essere un testo composto in Francia, perché gli echi del dibattito fra Bernardo, Anselmo, Abelardo sono troppo forti, io credo che siano più echi d'Oltralpe che non italiani, ma veramente questa è una questione che io non sono riuscita a risolvere e non si risolverà, io credo, almeno a meno di non trovare un manoscritto che arrivi di tutto, ma la tradizione manoscritta di questo testo è molto ricca, io ho trovato più di 40 manoscritti sparsi in tutta Europa, tutti compresi fra la seconda metà del XIV, direi gli ultimi 20 anni del XIV e la prima metà del XV secolo. Dunque, da questi manoscritti non si può sapere assolutamente null'altro di più di quello che io ho cercato di tirar fuori. Va bene, io non parlo più, magari se avete qualche domanda. À propos de la Vierge, on pourrait ajouter cet élément qui intervient dans le débat au titre de l'Equitas, parce que je pense qu'on va reprendre la question de l'Equitas, c'est qu'elle est porteuse du titre de Mater Misericordiae, au moins depuis le Xe siècle. Donc, elle est. Enfin, moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette rencontre là, de la théologie et du droit, c'est que. Le procès en tant que cristallisation telle que Emanuele a tenté de le montrer, cette cristallisation est possible parce qu'il y a une donnée théologique qu'on peut capitaliser. Et parmi les éléments, pour la question de l'instrumentalisation de la figure mariale, c'est sûr que la notion de Mater Misericordiae ne peut pas ne pas avoir joué, me semble-t-il. Bon, alors, la matière a été extrêmement riche à deux niveaux. D'abord, dans celle de la reprise du texte, son extension sur la base de tout le dossier que va être le livre, et puis de la réflexion sur théologie, droit et sciences sociales. Donc on a vraiment une matière à discussion abondante. Nous avons une grosse demi-heure devant nous pour le faire, donc... Sans autre forme de procès, je donne la parole absolument à qui le veut, à des spécialistes plus proches des questions du droit médiéval, à des chercheurs qui regardent de façon plus surplombante les sciences sociales. J'ai une question. Allons-y. Pour commencer, il y a une tradition historiographique autour de ce texte, donc pas vraiment mentionné à partir de signe. Qui était de dire, Stinsing, donc c'est un ouvrage de la fin du 19e qui avait mis en lumière qu'il y avait non seulement ce procès qui est le plus célèbre, mais toute une série de textes un peu bizarres. Je pense par exemple au procès contre les animaux, qu'on trouve aussi d'une manière qui sont du même genre, c'est-à-dire il y a un procès très connu qui est un conciliat de début du XVIe siècle, qui est l'excommunication d'un essaim de mouches. Toutes sortes d'arguments, un avocat des mouches, etc., etc. Et ça aboutit à une tradition, on a dit, il y a un folklore, alors appelons ça comme on veut, un folklore qui se crée dans les écoles de droit, qui crée une espèce d'humour, si on veut, ou une espèce de virtuosité, ou une espèce de, d'espace difficile à comprendre, mais qui n'est pas... qui est là essentiellement pour amuser les étudiants, pour dire les choses rapidement et simplement. Alors si j'ai bien compris, vous ne reprenez pas cette tradition, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous ne considérez pas que vous considérez que ce texte doit être pris à part et pas mis en rapport avec ces autres textes. Il y a aussi des cons, il y a aussi des procès sur Adam et Ève aussi. Quelle est votre position là justement sur cette tradition historiographique? Identifica questi processi simulati come un genere di letteratura popolare, divulgativa, e diciamo è l'unico che si occupa di questo, perché in realtà Savigny aveva fatto questa condanna nettissima dell'opera, di questo processus inserito nel corpus bartoliano. Ce n'è un altro famoso, il processo che vede il diavolo protagonista, che è noto come processus Belial, molto più grosso, articolato, i personaggi sono diversi, c'è cioè Aristotele, Salomone, cioè molto più complicato. Questo ha soltanto tre protagonisti, mentre quello è molto più articolato. E Stinsing li mette insieme come Satan Process e appunto li considera soltanto come un genere divulgativo. Io in realtà credo che questo testo non sia soltanto un testo divulgativo, è un testo colto, è un testo che ha molti livelli di fruizione e di lettura, e questo lo si può vedere dall'analisi dei manoscritti, perché ci sono alcune versioni in cui il testo è completo delle allegazioni giuridiche, alcune versioni in cui non ci sono allegazioni giuridiche, alcune versioni in cui i personaggi parlano come se fosse un canovaccio per una rappresentazione teatrale, è scritto in rosso Maria, il diavolo, Cristo, come se fosse messo in scena, e probabilmente è anche messo in scena, perché c'è una voce narrante, c'è la descrizione di alcuni gesti, di alcuni atteggiamenti, c'è una certa esagerazione verso la parodia, il diavolo al marsupio, quando si arrabbia con gli occhi fiammeggianti, dice il testo, tira fuori la Bibbia e legge il passo della Genesi, quindi la Madonna che avanza maestosa, seguita dagli angeli, si siede alla destra del Padre, ed è descritta come molto maestosa e superba. Il diavolo invece è lì che è un po' grottesco come figura, però in realtà secondo me non è un testo, è un testo molto complesso, ecco, in cui c'è l'eco presente di una cultura solida, sia teologica sia giuridica. Non è un testo popolare nato soltanto per una rappresentazione di piazza, ecco. Probabilmente rientra nel genere dei processi simulati che venivano messi in scena all'interno delle scuole di diritto per rendere più facile memorizzare alcuni passaggi della procedura, dell'ordo, o per colpire maggiormente l'attenzione degli studenti. Però è un testo colto, non è un testo che si può liquidare come un testo popolare. Di questo io sono convinto. Peut-être qu'en France, on a la basoche, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, c'est-à-dire qu'on on a ce fait qu'à la fois les meilleurs juristes à la fin du Moyen-Âge de Paris ont aussi un carnaval, ils sont acteurs principaux dans la création du théâtre, des théâtres parisiens. Donc on a dans le même milieu C'est pour ça que, bon, évidemment, au XIXe siècle, il parlait de populaire, aujourd'hui, on ne dirait plus ça. Mais on a quand même un espace qui n'existe plus. Je ne pense plus qu'à Rome 3, vous faites du théâtre et du carnaval. Je ne sais pas si on est sort de droit, on le fait. Quel vrai d'un carnaval pérou. Mais imaginons, voilà, Paris 2, Assas aurait un théâtre et les professeurs de droit joueraient dedans. C'est une conjonction qui existe. Je ne sais pas si elle existe en Italie, mais elle existe en tout cas en France à la fin du Moyen Âge. Donc, vous pensez que ça n'est pas possible pour d'autres pays que... Ça m'a toujours interloqué, ça veut dire, ce nom aussi. Ho letto alcune opere dell'Ottocento, perché anche io ho pensato questo, no? Al legame con la Basoccia, ma continuo a pensare che questo sia intanto il testo più antico rispetto ai testi della Basoccia. Ed è un testo molto più complesso e molto più legato al divertimento o alla simulazione, ma all'insegnamento e alla trasmissione dei concetti. È soltanto comparando la forma del testo e la sua scansione che si può... Goldust mette insieme gli Arrêts d'amour di Martial Duvergne, che è un basocien, è questo testo, è il Processus Belial, che è fatto da un giurista di cui conosciamo perfettamente il nome. E in realtà lo spessore dei testi è molto differente, molto differente. Oui, moi je pensais aussi et beaucoup à cet élément de contexte. À l'époque que vous prenez en considération, hein, fin 13e, 14e, qui est les conditions dans lesquelles on peut disputer. Donc, on est bien sûr dans un contexte intellectuel, la disputatio, mais avec cet élément complémentaire qu'on a besoin absolument de la mise en scène pour que ça fasse sens. Donc, on s'oriente vraiment beaucoup vers des problématiques qui sont dans la logique du théâtre. Du théâtre. Alors, évidemment, là, on est dans un point de rencontre entre questions théologiques et questions juridiques, mais dans la répartition des tâches qui est malheureusement la nôtre, où, au fond, on ne s'occupe pas exactement de ce que fait le voisin, on a beaucoup négligé l'apport du théâtre à l'histoire et la façon dont le théâtre peut véhiculer un fond théologique très important, mais un fond théologique qu'il faut évidemment percevoir un peu en tension. Vous disiez, c'est un texte qui était à la fois très profondément encadré dans des pratiques intellectuelles, et puis aussi très, j'allais dire, très vulgarisé. Mais tout à l'heure, Emanuele faisait une allusion très intéressante à la Commedia di Dante, c'est-à-dire ce que peut être du théologique ou ce que peut être du théologico-juridique tel qu'il est pratiqué par... par des laïcs ou par des étudiants un petit peu dans le décalage. Et je pense qu'on a intérêt à mettre le contexte, à établir le contexte de façon un petit peu large pour pouvoir essayer de saisir cet objet si singulier. Quand on regarde ce que c'est qu'une représentation de mystère au XIIIe ou XIVe siècle, on a un théologique très intéressant, très dense également. Là, on est dans une rencontre du théologique et du juridique qui est absolument passionnant. Non, si vous voulez, je crois que pour reprendre ce que vous venez de dire, peut-être qu'un des problèmes, c'est cette séparation entre une littérature populaire qui n'a rien à voir avec la science, les connaissances, les racines théologiques, juridiques, mais qui est seulement quelque chose passer du temps libre, pour ainsi dire, et la littérature sérieuse. Cette distinction qui s'est établie justement avec Stinzing pour le droit, c'est quelque chose qui probablement n'est pas vraiment fondé dans les pratiques culturelles soit du Moyen-Âge, soit de l'âge moderne. J'imagine par exemple que les questions qui s'est disputées dans les facs de droit étaient des questions qui avaient parfois des sujets plutôt drôles. Il y avait des histoires qui sont aussi reprises, par exemple, en littérature, par les novellines, ou à la fin par Boccace aussi, On reprend des questions juridiques qui étaient discutées à l'université par des profs de droit, par des étudiants de droit. Donc il y a vraiment une fracture entre littérature populaire et littérature sérieuse. Il y a un continuum, par contre. Et alors, lorsque, dans ce livre, on prend au sérieux un travail de littérature qui, naturellement, est une littérature de, si vous voulez, d'évasion, de mise en scène, de carnaval, si vous voulez. Mais les racines culturelles qui sont là-dedans sont des racines absolument sérieuses. Et donc, on mettait en place un discours qui est un discours fondé sur le plan des institutions juridiques qui sont mobilisées et des racines théologiques qui sont mobilisées. Donc, c'est vrai que nous et c'est vrai toujours, il ne faut pas être trop sérieux. Et aujourd'hui, peut-être on est trop sérieux à l'école de haute études, mais aussi dans les universités. On a autre chose qu'être sérieux. Il ne faut pas être sérieux, parce que nos ancêtres n'ont pas été toujours sérieux. Mais ils n'ont pas cessé d'être savants en faisant de la littérature populaire. Ils ont continué d'être savants. Et donc, qu'est-ce que c'est la Commedia de Dante? C'est quelque chose qui se mettait en scène dans les places pour le peuple, ou c'est un ouvrage de très haute théologie? C'est les deux. Les deux. Et donc aussi, voilà, il faut arrêter de distinguer les manifestations d'une littérature mineure et les manifestations d'une littérature haute, ce qui avait été typique. Moi, je connais mieux l'historiographie juridique, mais l'historiographie juridique, on a complètement évacué toute une partie énorme de la production des écoles de droit du Moyen-Âge, à partir du fait que, selon Savigny, l'intérêt, c'était justement l'évolution des institutions juridiques, et l'évolution des institutions juridiques se voyait dans les commentaires au texte de Justinien. Donc, si un auteur avait écrit des recueils de questions, avec justement de cas, une casuistique plutôt drôle, il n'en parlait pas. Il considérait que ça ne relevait pas pour la tâche qu'il s'était posée, c'était de la reconstruction d'une ainsi dite évolution des institutions juridiques. Et par contre, le même auteur avait écrit d'autres ouvrages que Savigny ne prend pas en compte, ou même ce qu'il cite parfois en disant « Et cet auteur a aussi écrit d'autres ouvrages qui sont d'une nature populaire ou pratique, et donc nous intéressent pas. » Et c'est fini. Et donc c'est plutôt à la fin du siècle que Schnitzin va un peu récupérer tout ce que la littérature classique et l'historiographie classique du droit avaient laissé de côté. Mais il le qualifie comme littérature populaire en le considérant complètement détaché de la littérature vraiment savante. Oui, juste pour ajouter quelque chose là-dessus, c'est d'autant plus vrai ce que tu dis, parce que non seulement ce qui concerne le droit civil, donc l'histoire savante qui ne prend pas en considération que certains ouvrages, même à l'intérieur d'auteurs qui sont réputés et qui laissent de côté d'autres, comme c'est par exemple le cas de Pseudo-Bartolo, donc, sur lequel Savigny a ce jugement si sanglant. Mais même à l'égard, cette attitude quand même a évacué toute une dimension normative de la part des historiens qui jouent au sérieux, comme tu dis, ça concerne aussi tous les droits publics. Les droits publics n'ont jamais été pris en compte sérieusement encore au XXe siècle, c'est-à-dire le droit public au sens du droit produit par les autorités politiques. Ça peut être du droit civil et du droit processuel. Ce qu'une autorité municipale, lorsqu'il interdit de s'habiller d'une certaine manière ou de manger la viande le vendredi, sans, ce qui était quand même une mesure, disons, adoptée par les autorités communales, par les autorités municipales, et qui était sous forme d'édit. Tout ça, l'historiographie a considéré que c'était des canons de femmes au ménage, pas du droit. Parce que ça, c'était pas du droit. Donc là encore, il y a toute cette vocation très savante d'une histoire juridique qui, encore au XXe siècle, des historiens, Salvioli, disaient, voilà, mais ça, c'est pas du droit, ça, c'est quoi? Ce sont des instructions pour une bonne femme au ménage, c'est pas du droit. C'était toute cette dimension du social, là où la règle s'incarne plutôt dans un quotidien, était immédiatement évacuée par cette dimension, conception absolument savante de l'historiographie. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles le droit des sciences sociales n'a jamais eu une entente immédiate aussi. Jean-Pascal. Oui, moi, ma question serait plus générale. C'est d'abord à écouter vos dernières remarques, parce que je trouve très frappant, avec une position d'historien de la théologie moderne, c'est à quel point les parcours historiographiques du droit et les parcours d'histoire de la théologie, jusqu'au début du XXe siècle, sont des parcours absolument comparables. Cette évacuation du trivial, si on prend la manière dont s'écrit l'histoire de la théologie moderne au XIXe siècle, notamment à la fin du XIXe et jusqu'au début du XXe dans le dictionnaire de théologie catholique, elle se retrouve absolument. Enfin, on est vraiment sur des formalités qui sont exactement les mêmes. Et même encore aujourd'hui, il me semble qu'il y a un certain nombre de questions qu'on partage, mais peut-être aussi de pièges. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure que peut-être vous, les historiens du droit, vous n'étiez pas assez intéressés à la source théologique, du droit. Et moi, je me suis dit en permanence que, comme historien de la théologie moderne, on ne s'était pas assez intéressé aux sources juridiques de la théologie moderne. Parce que, alors, notamment tout ce discours sur la possession qu'on retrouve en permanence dans la casuistique jusqu'au 19e. Mais du coup, je me demande si en fait la question de la source ne nous piège pas. C'est-à-dire que est-ce que, en fait, on n'est pas pris encore, et c'est peut-être pas ça dont il faudrait se débarrasser, dans ce piège peut-être que tend la théologie aux sciences sociales de manière permanente, c'est-à-dire de faire croire aux sciences sociales à la priorité ontologique de la théologie. C'est-à-dire de nous dire, il y a une source théologique. Mais est-ce qu'il y a une source théologique, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas simplement des acteurs dans un champ, commun, avec des partages disciplinaires, mais sans qu'il y ait une source théologique du droit ou une source juridique de la théologie? Et je me demandais, parce qu'en vous écoutant, je suis sociologue contemporain, donc pas traversé sur le... Mais j'étais extrêmement frappé de la manière dont vous présentez le droit comme finalement l'économie de la théologie dans le social. C'est-à-dire que, non pas avec justement avec cette question de la source, etc., mais comme la mise en œuvre pragmatique de la théologie, la façon de faire la véritable économie du salut telle qu'elle va fonctionner dans le christianisme et particulièrement dans le catholicisme romain. Et que du coup, on comprend bien à ce moment-là que le statut de la liturgie, alors je me trompe peut-être, tu me corriges si tu veux, mais que le statut de la liturgie en rapport avec le droit, c'est vraiment une mise en scène de l'économie du salut. Ben oui, parce que c'est toute la question des modalités. Ben voilà. Je suis tout à fait d'accord, même si je ne connais pas vraiment en large toute la question du rapport entre théologie et droit. J'étais un peu influencé par ce que j'ai fait sur le XIIe siècle, lorsque il se voit que le recours aux sources romaines qui viennent d'être redécouvertes se fait et avec plein de questions qui sont proprement de théologie politique. C'est-à-dire que les discussions théologiques sont clairement sous les discussions juridiques en matière de propriété, de pouvoir de l'empereur, de mise en place du procès comme l'acte de trois personnes et non pas comme le rapport entre le supérieur et l'inférieur. Et donc tout ça, c'est vraiment un changement qui se met en place dans la société à travers le droit, à cause du changement, pour ainsi dire, d'ecclésiologie, qui s'est mis en place quelques dizaines d'années plus tôt dans l'ecclésiologie catholique. Donc au moment où on commence de penser l'Église dans le sens de la société, chrétienne, comme une association d'individus doté de volonté autonome. Et donc, lorsqu'on commence d'exalter le rôle de la volonté, par exemple, je dis seulement des suggestions parce que je n'ai jamais fait un travail là-dessus, mais j'aimerais, avant de mourir, de le faire. Parce que c'est un peu, si vous voulez, le jus du grand changement où on assiste au XIIe siècle. Donc, lorsqu'on considère que la société chrétienne est formée d'individus qui sont fils de Dieu en tant qu'individus et non pas comme groupe ou comme faisant partie d'une assemblée ou d'une famille ou d'une société, mais comme individus, on commence d'exalter la volonté de l'individu. Et on commence à rattacher des effets à la volonté de l'individu. Et alors on change, il me paraît, mais peut-être vous connaissez mieux que moi ça, là, on commence de changer la théologie des sacrements. C'est-à-dire qu'on rattache des effets sacramentaux à quelques expressions de volonté ou quelques manifestations de volonté. Et c'est ça le moment où on cherche un droit nouveau, qui est justement le droit romain, qui est un droit qui, en effet, attache des conséquences à la fois juridiques, non pathologiques, aux expressions de volonté. Alors voilà ce que vous venez de dire, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il se met en place une économie, une réalisation d'un changement de vision ecclésiologique à travers l'introduction d'une révolution absolue, c'est-à-dire que l'individu a la force de créer des objets qui n'existent pas à travers l'expression de sa volonté. Et le système juridique prend en compte cette création de la volonté de l'individu, par exemple dans le domaine du contrat. Non, mais bien content de t'entendre, toi, soulever le terme d'ecclésiologie, parce que moi je suis bien persuadé que l'un des croisements essentiels auxquels on est affaire dans le long terme, hein, entre théologie et droit, c'est précisément la question de l'ecclésia. Dans la dimension que tu dis d'abord, c'est-à-dire finalement le fait que ça pose la question de la personne, et puis... la question de la personne, et puis toute la question des modes d'organisation et d'institution, et de la place des personnes dans l'institution. Donc, on a là effectivement un croisement qui est essentiel de discuter à partir des 12e, 13e siècles. C'est une chose qui m'avait frappé dans l'exposé en évoquant, quand tu as évoqué, Paolo, ces trois ordres, sous-types d'ordre, entièrement procédural, droit, l'ordre de la nature et l'ordre de la tradition, l'ordre fondé sur l'autorité des anciens. Ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire potentiel de rupture modernisatrice que porte ce droit-là, et qui, du même coup, invite, alors, c'est probablement assez évident pour des historiens du Moyen-Âge, mais pas pour des contemporanéistes, ou même des gens qui s'intéressent à l'histoire moderne, c'est en fait le type de généalogie de la modernité qu'on peut reconstituer à partir de cette question du droit par rapport, disons, aux généalogies politiques de la modernité. Parce que le mot-clé qui a été employé, effectivement, c'est le mot d'autonomie. C'est-à-dire, là, on a vraiment un terrain dans lequel les individus produisent construction à partir d'individus, de volonté, d'autonomie, construisent, jettent les bases d'une sorte de rupture par rapport précisément au modèle à la logique de la tradition et à la problématique de la nature. Il y a quelque chose. Alors qu'après, les régressions puissent être énormes sur le terrain de la théologie par rapport à ce point de départ, mais c'est tout de même assez fascinant. Enfin, ça, moi, ça m'a attiré. On peut penser que là, on est au XIIe siècle. On n'est pas dans l'émergence de la problématique de l'individu telle que les constructions classiques de la généalogie de l'autonomie moderne du politique le dessinent. Ce qui veut dire aussi que comment s'accommode mal de l'étendue les phases de droit. C'est-à-dire que justement, au XIIIe siècle, on a ce qu'on sent comme très moderne. Et alors qu'on a l'attitude de dire, bon, ça c'est du droit médiéval. C'est-à-dire que les catégories juridiques ont du mal à s'adapter des chronologies de théorie. Oui, on serait peut-être bien inspiré de regarder ces chronologies à partir du droit au lieu de se demander comment elles y rentrent. Oui, oui. Ça, c'est un peu notre place dans les débats de l'école et d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, au fond, essayer de comprendre ce que peuvent être des seuils de modernité. Exactement. Et on a quand même tout un tas à bien penser que une modernité établie à partir des années 1100 mérite d'être discutée, quand même. Ouais. Tu sais comme moi que malgré tout, c'est des choses qui font résister un certain nombre de... Oui, bah écoute... trajectoire. Oui. Continuons le combat. Non, mais c'est vrai que, alors, quand tu disais la question de l'Église, bon, c'est énorme, je ne parle pas moyen. Mais justement, ça m'est venu un peu à l'esprit pour mettre un peu en perspective le rapport entre la théologie et le droit. Parce que là, c'est une tentative vraiment de le faire marcher ensemble. Et l'équité, c'est l'instrument qu'on agit pour les faire aller ensemble. Mais on voit bien que les tensions sont permanentes. Ça, c'est clair. S'il y a un instrument pour les lier, c'est parce qu'elles sont différentes. Alors, à propos de ce débat, donc, sur la tension entre la vision historico-juridique, la vision théologico-dogmatique, je m'en souviens d'un auteur qui passe pour un grand représentant de théologico-politique, qui est Eric Peterson, évidemment, à propos de ses leçons sur l'histoire de l'ancienne Église, Geschichte de l'Altenkirche de 1928, qu'il a Geschichte de l'Altenkirche, c'est le cours qu'il a fait à Bonn en 1928. Il était encore protestant à l'époque, avant de... Et alors, Peterson, il dit dans ce cas-là qu'il plaide pour une histoire dogmatique qui transcende l'histoire juridique, quand on parle de l'Église. C'est-à-dire qu'il refuse quand même toute approche historicisante. On ne peut pas réduire l'histoire de l'Église à une histoire tout court. Il y a un dogme qui surplombe le travail de l'historien, et que donc, au lieu de parler, donc il rejette même la fameuse syntaxe de Thomas d'Aquin, c'est-à-dire que Jésus Christ instituit ecclesia, il rejette ça parce qu'il dit avant l'institution, il a la constitution. Donc c'est le corpus mysticum du Christ, qui est l'Église, et à partir de ça, de ce sous-bassement, donc cette base théologique, qu'on peut imaginer que sous la constitution qui vient d'abord, on peut imaginer qu'il y a un acte d'institution. Donc, l'institution c'est le droit, la constitution c'est la base théologique ou dogmatique. Donc, il essaye de relativiser justement l'importance du droit, de relativiser l'autonomie de ces instruments dont on a parlé tout à l'heure. Là. Parce que tout ça, justement, Daniel vient de le dire, ça démontre quand même une prétention du droit à une autonomie dans ce moyen opératoire qui s'érige dans un ordre à part entière, finalement. Ce moyen se constitue un ordre autonome. Et lui, justement, il essaye de dire « Faites attention parce que l'Église ne peut pas être un fait d'institution, mais c'est un fait de constitution. » C'est-à-dire que le théologico-dogmatique précède l'historico-juridique. Et... donc, il insiste justement sur la différence entre Église et institution. Parce que c'est le corps mystique du Christ qui dit que introduit cette fracture dogmatique et à laquelle l'histoire en général et aussi l'histoire du droit ne peut pas rester insensible. Que l'avènement de l'Église en tant que construction technique, elle redébarque toujours de cet événement premier qui est la constitution, donc le corpus mystique de Christ. Alors, avec toute modestie, je crois qu'il se trompe. Là, pour revenir sur le rapport entre théologie et droit. Parce qu'il y a plein de constructions dogmatiques, ecclésiales, sur la base, et qui d'ailleurs sont devenues vraiment des dogmes forts de l'Église, grâce auquel l'Église s'est érigée en juge, notamment dans toute la question du modernisme. Quand il y a l'encyclique Pascendi en 1907, quels sont les concepts que, en tout début, depuis le 10, mobilite pour condamner les modernistes, eh bien, c'est le Conseil de dépôt. Et c'est exactement un conseil que l'Église ne détenait pas sans les legs du droit. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, je crois qu'il y a une autonomie des instruments qui se consolide en une forme conceptuelle forte, en devenant eux-mêmes dogmes, et que, évidemment, les juristes sont plus sensibles à les valoriser que les théologiens. Mais je dis ça pour ne jamais oublier qu'entre théologie et droit, il y a eu toujours une compétition très forte. Oui, bien sûr. Mais comme le dit Jean-Pascal, la logique de la théologie, c'est de s'auto-constituer comme inatteignable. Ben oui, sauf qu'après, elle doit faire les comptes avec les instruments qu'elle-même utilise. Bien évidemment. Donc, elle se retourne contre elle-même. Ouais. C'est vraiment le diable, là. C'est exactement le diable. C'est le discours du diable. Hein. C'est le diable. Alors, il y a un terme, parce qu'on arrive là à la fin de notre discussion, mais il y a un terme qu'on n'a pas encore employé, qui est celui de la majestas. Ah ben oui. Parce qu'on est vraiment au cœur même de la problématique, et il me semble qu'au fond, c'est peut-être le plus grand terme du débat, qui est que s'il peut y avoir un rebondissement dans ce procès, c'est autour de la question de l'équitas, et que l'on va pouvoir recourir à la miséricordia, et la miséricordia, c'est un geste de majesté. Sì, certamente, ma questa è un'opera giuridica e dunque le parti, ciascuna per il suo, insistono continuamente, molto spesso, sulla giuridicità di questo processo, dicendo la misericordia certamente è una prerogativa della giustizia divina. Infatti in una variante di questo processo intervengono le quattro figlie di Dio a perorare per il diavolo e per la Vergine, cioè giustizia e verità sono le avvocate del diavolo e misericordia e pace sono le avvocate della Vergine, quindi è un'altra, una variante rispetto a quella di cui stiamo discutendo. Ma la misericordia non è una prerogativa del giudizio umano, non è una prerogativa del giudizio umano, è soltanto l'equitas che può essere utilizzata dal giudice per evitare che un uso troppo stretto del diritto produca un'aberrazione, non la misericordia. Il giudice qui non ha maestà, tranne in un caso soltanto, quando all'inizio il diavolo dice: non puoi fissare l'udienza il venerdì santo perché è un giorno festivo, ferie, e Cristo dice: siamo noi che diamo autorità al diritto e non il diritto a noi. Quindi noi possiamo scegliere di fissare l'udienza in un giorno festivo e possiamo scegliere che quell'udienza non verrà invalidata. Perché il problema che il diavolo temeva era proprio questo, che se l'udienza si fosse tenuta in un giorno non valido, il contenuto dell'udienza sarebbe stato nullo. Quindi il diavolo teme che il giudice voglia tendergli una trappola e dunque dice: dovunque nel mondo il venerdì santo è di esferiata. E Cristo lì diventa... ricorda a se stesso e agli altri di essere anche il legislatore, ma in tutto il resto del processo egli è un giudice e dunque sembra costretto al ruolo di giudice a rispettare ad unguem la procedura, perché diversamente, il diavolo lo dice costantemente, se tu uscirai dalla strada della giustizia che tu dici di essere, allora io avrò vinto due volte, perché avrò dimostrato che Cristo non è giustizia. E allora questa tensione costante fra Cristo giudice in forma servi, cioè giudice come solo Cristo può essere, e il suo ruolo di legislatore, quindi la maestà, questo è costante, ma questo è un processo. Dunque sembra... questo testo volere dimostrare, fra le altre cose, che la verità processuale, quella che viene fuori dall'applicazione della procedura, è una verità assoluta, in qualche modo come la verità dogmatica della teologia. Questo penso. E qu'il y a un terme de dépassement possible. Oui, mais qui fait le rebondissement. C'est tout le temps que même que tu es Dieu, tu ne peux pas faire. Oui, bien sûr, tu es contraint. Oui, tout à fait. Mais parce que il faut que tu aies juste. Donc, si tu arrêtes d'être juste, tu n'es plus Dieu. Donc, c'est vraiment les limites de la majesté. Si tu veux. Mais du coup, ça donne aussi sens à l'articulation droit théologie. C'est à la fois cette correspondance et ce jeu sur les registres. En tout cas, le droit s'intéresse aux moyennes. Il faut le dire une fois pour toutes qu'il n'y a pas les valeurs qui comptent pour le droit. Le droit est une panoplie. Une boîte à outils. Donc elle peut se déplacer à tout moment. Donc toute construction idéologique que le droit est l'effet d'une classe, d'une société. Bon, bien sûr, après, il y a des sujets en chair à os qui s'emparent et qui les plient. Mais le droit existe indépendamment des acteurs. Alors, là, j'ai dit peut-être une blasphémie en disant que le droit existe à l'école de haute études, que le droit existe malgré les acteurs. Ça risque de provoquer quand même un conflit, disons. Fort, mais si on ne prend pas en compte aussi cette dimension-là instrumentale, si on pense toujours qu'effectivement le droit est le gardien de certaines valeurs, au contraire, si on pense ça et ne prend pas en compte suffisamment la dimension instrumentale qui me paraît être. Voilà, on le voit là. Ça, c'est peut-être les représentants. C'est pas forcé, hein. C'est pas un instrument, c'est pas un élément qui est forcé dans le texte. Je veux absolument montrer quand même que le droit. Est fort, est puissant. Non, c'est dans la dynamique même qui s'impose de ce. Au-delà de son effet pédagogique, de son effet didascalique. C'est exactement ça qui se. Le droit, c'est un instrument de moyenne, c'est tout. Et qui dans la compréhension, n'est pas. Voilà, c'est ça. Alors, la grande concession qu'on fait aux sciences sociales, n'est pas séparable du contexte dans lequel ces moyens sont utilisés. Mais c'est ça. C'est ça qui se montre dans ces procès-là. Toutes ces notions a priori théologiques qui sont aussi mobilisées, même toutes les questions de l'equitas, d'ostiensis, n'ont un sens qu'à partir du contexte dans lequel ils sont mobilisés. Et comment justement les acteurs les emploient. Mais ils sont déjà là. Il y a un invisible institutionnel qui est déjà là. Il est autant réel que les acteurs en chair à os qui le mobilisent. Voilà. Malheureusement, on a eu du mal pendant de décennies à penser que le droit existe indépendamment des acteurs et que. Enfin, personnellement, comme juriste, j'ai trouvé toujours des résistances à cet égard, parmi les historiens, d'abord, parmi les sociologues, des acteurs, pas des sociologues de l'action. Ça, c'est autre chose. Il y a eu quand même un passage. Mais c'est à condition qu'on retienne cette autonomie qu'on peut s'accorder. Me semble-t-il. Et ça, c'est un bon terrain de. C'est un cobaye, on peut le dire. Mais il ne nous reste plus qu'à attendre la parution du livre, Béatrice. Un grand, grand merci.